14. Observation, le temps qui passe, les saisons. Saison, le printemps. Mois, mars, avril, mai, juin. L'été, juin, juillet, août, septembre. L'automne, septembre, octobre, novembre. L'hiver, décembre, janvier, février. En mai, on est au printemps. En juillet, on est en été. En octobre, on est en automne. En janvier, on est en hiver.